On récupère parce qu'on a un emploi du temps extrêmement chargé. Gérard est ce soir à l'honneur, puisque bien qu'on l'avait oublié de l'annoncer en direct, on le savait. Ce soir, c'est la Saint-Gérard et Gérard fait la fête ce soir, apparemment dans son foyer. Il nous l'a dit. Gérard, t'es toujours avec nous en direct? Toujours là, positif. D'accord, très bien, GG. Alors, tout à l'heure, on t'a demandé un petit poème en impro, t'as pas été capable, et entre-temps, apparemment, Manu m'a dit que t'avais préparé un petit poème. Ouais, j'ai noté trois petits verres. Alors, vas-y. Trois petits verres, petit jeu de mots. Ouais. Je voudrais boire un petit coup, mais je suis déjà trop beurré. Je voudrais boire un petit coup pour te refaire ta boîte, mon bibi. Je voudrais boire un petit coup, mais ma jambe de bois m'en empêche. Voilà, terminé. C'est de la merde, ton truc. De toute façon, c'est pas possible, de toute façon, maintenant. Bah non, mais c'est de la merde. Bah attends, si c'est de la merde, non, mais... Mais oh, t'énerve pas, c'est... Non, mais de toute façon, Manu, il m'a énervé au standard. Hein. Mais alors, t'as rien fait, t'es sous. Ouais, Manu, dis pas que tu es sous, ok, alors tu... Bah attends, Gérard, t'énerve pas, dis donc, quand t'as bu, t'es spécial, toi, hein. Quand je t'appellerai le pot de chambre, tu sortiras le saoulé. Si t'es pas content, t'as qu'à raccrocher, nous fais pas chier. Ok, y a pas de débat. De toute façon, c'est comme ça, c'est viré, et puis, moi, je viens pas jeudi. C'est tout. Alors maintenant, vous allez toutes vous faire foutre. Ah bah. Et surtout, Manu, je peux t'enculer. Oh putain, puis il nous a vraiment chaussé la gueule. Tu me le rappelles tout de suite, Gérard, non, mais pour qui il se prend, l'autre? Non mais j'y crois pas, l'autre Gérard qui nous raccroche sa fête et tout, il fait la fête, il est au foyer, tout se passe bien, et l'autre il nous fait un caca nerveux. En plus j'avais l'intention de repasser un vieux coup de gueule que j'ai récupéré sur cassette avec Françoise de Gérard, bah dis donc, je pensais lui faire une surprise, ça fait plaisir. Allô? Bah dis donc, tu te prends pour qui? Tu te calmes déjà, tu te calmes, d'accord? Parce que là, t'es de PD là au standard. Non mais attends Gérard, attends, je suis en train de t'annoncer, c'est la fête et tout. Bah attends, c'est... Bah, tu m'écoutes en premier, d'accord? Non, mais ton poème, il était bien. Attends, tu m'écoutes. Tu diras à ta pute, là, au standard. Et à ton PD, au standard, que c'était pas moi qui passais, d'accord? Comment, mais pourquoi tu... Ils ont même pas été capables de m'appeler, ces bandes d'enculés. Mais si, on t'a appelé là. Je te dis, c'est un faux. Mais arrête tes conneries, mais c'est toi. Je te dis. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars? Mais non. Mais t'as trop bu, c'est tout, t'as trop bu. Et toi, la salope derrière, sous la terme, ta gueule. Ah non, mais tu parles pas comme ça de mes assistants, eh oh, tu vas où, toi? T'es en train de faire la fête, il paraît que tu fais la fête. Non, je te dis que c'est faux. Alors qu'est-ce que c'est que ces conneries, les gars? Alors tu te démerdes avec eux maintenant, d'accord? Tu fais la fête au foyer. Non, tu m'écoutes, Max. Bah attends. Tu te démerdes avec tes deux branleurs, là, au standard. Ah ouais, c'est tout. Parce que c'est eux qui ont fait des conneries, qui t'ont fait passer un pot, Gérard. T'es tombé dedans. Ah ouais, j'ai cru. Depuis tout à l'heure, j'ai entendu, et même Sandy, elle a entendu, et elle a bien vu que c'était pas moi. Parce que moi, je suis là, à côté d'elle, et à l'heure actuelle, personne nous a appelé. Je leur ai dit, on va l'appeler à 21h, ils m'ont dit, il a appelé, il veut passer en direct. Alors, c'est pour ça que je t'ai pas appelé. Non, c'est faux. C'est faux tout ce qu'ils t'ont dit. Alors maintenant, tu crois qui tu veux, tu les crois si tu veux. Mais moi, je vais te dire une chose, que là, ce qu'ils t'ont fait, c'est bien des enculés. C'est quoi? Moi, je suis sûr, c'est toi l'usurpateur, parce que le vrai Gérard, je l'ai avec moi, il est là. Allô, attends, on va voir qui c'est. Allô, Gérard? Allô, qu'est-ce que c'est que ce type là? Voilà, il est là, le vrai. Voilà. Non, mais ça va pas ou quoi? Attends, c'est qui le vrai Gérard là-dedans? Mais tu vois pas que ça recommence en plus, c'est faux. Non. Bah attendez, vous allez pas essayer de m'avoir comme l'année dernière ou il y a deux ans, ça suffit maintenant, hein. Je sais pas qui est le vrai ou est le faux. Qui est le faux, Gérard? Pauvre cave. Bah c'est moi, bien sûr. C'est toi le vrai Gérard? Ah, bien sûr. Bon alors, Gérard. Non, attends. Alors demande-lui ton numéro, alors... tu sortiras tout lit, ok? Alors, tu veux quoi? Déjà, tu vois, il dit ça, alors que moi, je t'ai rien dit encore. Ah non. Bah toi, tu fermes ta gueule et c'est tout. Alors attends Gérard, apparemment, je ne sais plus qui est le vrai, je ne sais pas. Alors je ne sais pas si c'est le vrai ou le faux Gérard avec qui je parle. Tu voulais lui demander quoi? Son numéro de quoi? Demande à Manu son numéro de portable en antenne. D'accord, on va voir si c'est capable. D'accord, on y va, c'est parti. Alors attends, on va demander à Gérard. Alors Gérard, si tu es le vrai ou le faux, est-ce que tu peux me donner ton numéro de portable? Bah bien sûr. Vas-y. Alors, de toute manière, c'est comme ça, c'est 06 68 58 65, 62. C'est ça ou pas? Voilà. Donc t'es le vrai Gérard? Bah tout à fait. Mais maintenant tous les auditeurs ils vont m'appeler, hein, c'est pas la peine d'appeler Gérard Cousin, ok? Ok? Eh bah bravo. Alors qui est le vrai et qui est le faux dans cette histoire? J'y comprends plus rien! Bah de toute manière c'est moi, hein, de toute manière c'est moi. Je comprends rien moi, je comprends plus rien, je sais plus où j'en suis quoi. Alors tu diras au Brunner là qui vient de. Mais c'est quoi dire, attends, mais j'arrive plus à reconnaître les voix tellement que ça ressemble. Qui est le vrai Gérard, bordel? Attends, voilà, moi je vais poser une question. Alors, je peux vous dire que jeudi ça va gerber. Hein, non, attendez, j'ai un doute. Alors il y a les deux Gérard qui sont bien en direct là. Allô? Ah, oui, bah ouais, moi je suis là. Et l'autre est là aussi? Ah, ça y est. L'autre est là aussi? De toute façon, il répond. Non, attendez, je vais poser une question. Non, je vais poser une question très simple. Dans la voiture, hier j'ai ramené Gérard dans la voiture. On a parlé d'un auditeur qu'on devait pas reprendre lors du prochain débat. C'était qui? Ouais, ça devait être Monsieur Mazur. Ah ouais, c'est une bonne réponse. Ah voilà. C'est une bonne réponse. Et l'autre? Et là, il a bien joué. Alors maintenant, je vais te dire une chose. Attends, ta gueule, hein, tu vas gerber. Là, tu vas pas enculer, fils de pute. Bon, alors ça, c'est le vrai Gérard, parce que le vrai Gérard, il insulte comme ça les gens. Oh non, mais attends, tu vas pas enculer, fils de pute. Alors attends. Tu viens de donner mon numéro de portable à l'hôtel. Maintenant, je suis emmerdé. Tu vas pas enculer, fils de pute, maintenant. Tu as donné mon numéro de téléphone à l'antenne. Maintenant, je change de carte et vous m'appellerez plus. Alors, qui c'est attends, alors le mec, alors là, je vais dire, attendez. Non, c'est bon, je suis bombardé de téléphone. Alors l'autre, la fille de pute là, que tu as. Ça n'a rien à voir avec elle, attends, ça n'a rien à voir avec Anka, elle a rien fait là-dedans. Non, mais la fille de pute là, qui vient de donner mon numéro de portable. Ah, le mec là, oui, d'accord. Ouais. Et ben maintenant. Ben moi j'ai son numéro. Vous allez pas l'avoir, le nouveau. Et ben moi j'ai son numéro au mec et je crois te dire que l'auditeur qui s'est fait passer pour Gérard, parce que maintenant je crois que le mec, le vrai Gérard, c'est celui qui est en train de me parler, donc l'autre. Ah, non. Si non. Toi tu es le faux Gérard, et ben je peux te dire que toi j'ai ton numéro et que je vais le donner au vrai Gérard et qu'on va te pourrir la vie. Ah, Gérard. Non, mais tu te démerdes parce que moi maintenant, tu viens de m'appeler. Un instant. Y a plus de Non, toi, tu fermes ta gueule, toi, l'imposteur. D'accord? Voilà, récupère-le hors antenne, l'imposteur, parce qu'il y a un imposteur hors antenne. Alors, Gérard? Ouais. Alors, attends, pour être sûr que ce soit bien toi le vrai Gérard. Tu sais très bien que c'est moi. Alors, j'étais habillé comment hier? Qui? Bah, moi, Max. Toi, t'étais avec un pull marron. Ouais, exact. Donc, je suis et d'accord. Il y a écrit un truc en rouge. Exact. Donc, tu es le vrai Gérard. Donc, alors maintenant, tu viens de balancer mon numéro à l'antenne, notre trou du cul, là. Mais j'ai son numéro et t'inquiète pas que je vais Non, mais tu vas le percer maintenant. Tu vas le percer jusqu'à minuit. Ouais. Hein, ouais. Parce que moi, maintenant, c'est moi qui emmerdais sur mon numéro. T'as de la chance parce que moi, j'ai un autre numéro de téléphone. On aura un autre portable à te donner. Et deux. Je sais pas si t'entends les bips, mais ça continue. Hein. Gérard. J'ai un autre, apparemment, Anka me dit qu'elle a un autre portable qu'elle n'utilise pas avec un autre numéro de téléphone qu'on va te donner. Comme ça, tu pourras échanger, t'auras un nouveau numéro de téléphone. Non, mais moi j'ai une autre carte à plus avec un numéro et que je te donnerai 4 fois seulement. Et ni Fildar, ni Manu, ni Anka. Non, personne d'autre. Mais là ils y sont pour rien parce que eux-mêmes ils non, sont. C'est pas nous là. Hein. Là en plus ils sont très honnêtement, et c'est pour ça que tu les as traités de fils de pute et ça leur a fait plaisir. C'est comme celui. Je sais pas si t'entends, mais là ça continue. Alors moi je vais te dire une chose, que je vais changer la carte et ça va être. Et voilà, et 4. C'est bien maintenant, il a bien joué l'autre, hein. Alors là, moi, je vais dire une chose. Non, mais t'inquiète pas. Balancer son numéro à l'antenne. Non, mais Gérard. Et que tout le monde lui fasse chier. Gérard, t'inquiète pas que Anka et Manu sont en train déjà de donner le numéro de téléphone de l'autre connard qui t'a imité au standard, aux auditeurs. Et le mec, il a reçu déjà au moins 20 messages, là, en ce moment. Ouais, ben, moi, pour l'instant, ça continue. Et moi, j'ai un autre numéro. Et de toute manière, je te le donnerai pas maintenant. Je te le donnerai, tu me rappelles sur numéro à Sandy. Si tu veux, quand t'as fini, je te donnerai l'autre. Donc tu faisais pas du tout la fête dans ton foyer, tout non, ça. Non. Non, c'est faux de tout ce qu'il vient de dire, c'est faux. Et même Sandy, elle peut te le dire que je suis pas en train de boire, je suis au café, hein. Ah, t'es au bistrot quand même. T'es quand même. Je vais des poèmes pour elle. Ah. Alors donc. Elle peut le confirmer si tu veux, je te la passe, elle va te le confirmer tout de suite. D'accord. Passe-moi la grosse. C'est-à-dire qu'il y a des bips, hein. Allô? Oui, bonjour. Allô, salut Bidibi. Alors, Bidibule, alors comment ça va? Ça va un petit peu, mais bon. La forme quand même, c'est cool. Ouais, un petit peu la forme, mais bon, des fois j'en ai marre. Hein? Des fois j'en ai marre de la vie, mais bon. Ouais, non, mais ça, c'est. Faut supporter un peu tout. Voilà, donc t'as appelé pour nous dire ça. Donc t'es là pour nous remonter le moral, c'est bien. C'est très sympa. Elle a flingué la soirée. Il y a des dupes, je sais, mais bon. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas, déjà, l'imposteur, là, en plus, il se fait passer pour Gérard, et puis en plus, il arrête pas de parler d'Henri et tout ça, ça commence à bien faire. Parce que plus ils en parlent, plus moi, ça me fait du mal, et ça me fait mal au cœur, donc il faut arrêter avec cette histoire, parce que là, c'est pas. ça ne servira à rien du tout d'en reparler, c'est le passé. Hein. Mm-hmm. Et donc voilà. Mais confirme ce que je... Mais tu veux que je confirme quoi? Comme quoi que je suis en train de te faire... Et effectivement, là, il est en train de faire des poèmes, ouais. C'est, d'accord. C'est bien ce qu'il disait. Il n'est pas en train de te faire un gosse, il est en train de te faire des poèmes. Voilà, non, le gosse, ça viendra plus tard. Oh là, oui, bien sûr, beaucoup plus tard, dès que vous aurez déjà un nouveau numéro de téléphone. Hein, voilà, puis dès que ça ira mieux financièrement. Voilà, exactement. Bon, bah très bien, en tout cas, bon, dis bien à Gérard qu'on a un nouveau numéro de téléphone à lui donner au cas où, qu'il a un autre numéro, qu'il garde bien sur le coude. Ça y est, ça s'est calmé, personne ne vous appelle? Bah là, ça s'est calmé, là, apparemment. D'accord. Il y a plus de bip sur le portable de Gérard, il n'y a plus de bip. Hein. D'accord, ok, très bien. Tu me rends pas Gérard deux secondes, parce qu'après, on a DJ Maxime à faire très rapidement. Hein. Ok, bah je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Allô? Ouais, alors? Ouais. Excuse-moi, j'ai coupé mon micro. Ouais, bon, t'inquiète pas, mon pote, hein. Moi, j'ai déjà donné le numéro. Au moins, on a donné le numéro à Anka. Combien d'auditeurs et d'auditrices? Il y a au moins 50 personnes, hein, à qui on a donné le numéro de téléphone de l'imposteur. 53 personnes. 53 personnes. Donc, t'inquiète pas que lui, il va se faire harceler, hein. Non, mais moi, de toute manière, tu me rappelles tout à l'heure et je te donne le non, mais numéro. C'est pour te dire que t'inquiète pas qu'on a géré l'histoire avec le mec. Déjà, on l'a alpagué. T'inquiète pas qu'il ira pas très loin, le mec. Ouais, mais moi, tu fais ce que tu veux, parce que de toute manière, tu sais très bien que c'était pas moi. Non, mais je sais que je vais faire ce que je veux. De toute façon, à minuit, je vais faire ce que je veux, je vais rentrer chez moi, je vais me reposer, je vais faire ce que je veux, ouais. Non, mais tu fais comme tu veux, mais moi, là, pour l'instant, les bips continuent encore à arriver. Donc l'autre, il a balancé mon numéro. Donc la puce, je vais faire une chose demain, je vais la retirer déjà dès ce soir. Ta grosse puce? Je vais mettre l'autre. Ta grosse puce? Non, mais je vais retirer la puce du téléphone, et comme ça, moi, je vais appeler le service nomade en disant comme quoi que je change, et c'est tout, et je remettrai un autre numéro. Ah bah, un nomade, de toute façon, ça change souvent, hein, ça n'a pas d'endroit fixe. Non, mais hein. L'autre, il n'avait pas besoin de balancer le numéro à l'antenne. Parce qu'il a voulu, apparemment, il était au courant de ton numéro de téléphone, je savais même pas que c'était ton numéro, parce que je le connaissais pas par cœur, et j'ai cru qu'il donnait son numéro pour le prouver, et donc il a bien prouvé que c'était le tien, et c'est vrai qu'au début, ça a donné le doute supplémentaire. Non, bah, de toute manière, c'est bien le mec qui a bien été balancé sur l'antenne. Voilà, ok, très bien. Bon, bah, Gérard, de toute façon, je vais te récupérer en antenne pendant la pause, hein. Ok. Bon, bah, bonne fête quand même! Je te remercie. Bah ouais, bonne fête. Et j'espère que Gérard, quand même, tu ne pensais pas que tu vas retirer ce qu'a dit Anka, ce que t'as dit sur Anka et sur Manu, parce que franchement, j'y étais pour rien. Et traiter Anka de fils de fille de pute, ou je sais pas quoi, ou de salope, et l'autre de fils de pute, je trouve pas ça très sympa de ta part. Non, mais de toute manière, ils avaient déjà, je les avais bien prévenus. Ouais, mais ils savaient, bah ouais, mais. Avant de partir, Hier, tu me l'avais dit aussi de faire attention qu'il y avait peut-être alors des gens qui allaient se faire passer pour toi, on s'est tous fait avoir. Bah ouais. Mais ça c'est fait. Bah ouais, mais il y a des gens qui imitent ta voix et tout ça, il faut pas traiter les gens, c'est comme si moi je te traitais de connard, ta grosse, je la traitais de fils de pute, ça te ferait pas plaisir. Ouais, donc. Mais de toute manière, j'avais bien prévenu, Anka. Même Manu, je leur avais dit. Mais alors, on s'est fait avoir. Eh ben, on s'est fait avoir, même moi je me suis fait avoir. En plus, l'autre, il a bien balancé mon numéro de téléphone à l'antenne, donc il a été le chercher où le numéro? Mais c'était quoi le numéro? Il traîne dans le bureau. C'est quoi le numéro? Bah, tu le sais. Non, mais moi je connais pas, c'était quoi, redis-le. Non. Ah bon, d'accord, excuse-moi, d'accord, ok. Bon, on se retrouve hors antenne, Gérard. Ok. Ne t'inquiète pas. Et bonne fête encore, Gérard. Ok, je te remercie. Ouais, bonne fête à toi et toute l'équipe se joint à moi et tout Fun Radio se joint à moi pour te souhaiter une bonne fête, hein. Ok, je te remercie, chef. Ah, voilà, qui fait plaisir. DJ Maxime est avec nous. Est-ce que t'es prêt, DJ Maxime?